La Bible David Martin 1855. Le livre de Ruth. Ruth chapitre 1. Or il arriva, du temps que les juges jugeaient, qu'il y eut une famine au pays, et un homme de Bethléem de Juda, s'en alla pour demeurer en quelque lieu du pays de Moab, lui et sa femme, et ses deux fils. Et le nom de cet homme était Élimélec, et le nom de sa femme Naomi, et les noms de ses deux fils Mahlon et Kiljon, Ephratien, de Bethléem de Juda, et ils vinrent au pays de Moab, et y demeurèrent. Or Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils, qui prirent pour eux des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa, et l'autre Ruth, et ils demeurèrent là environ 10 ans. Puis ses deux fils, Mahlon et Kiljon, moururent, ainsi cette femme demeura là, privée de ses deux fils et de son mari. Depuis, elle se leva avec ses belles-filles, pour s'en retourner du pays de Moab, car elle apprit, au pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple, en leur donnant du pain. Ainsi elle partit du lieu où elle avait demeuré, et ses deux belles-filles avec elle, et elles se mirent en chemin pour retourner au pays de Juda. Et Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune en la maison de sa mère. L'Éternel vous fasse du bien, comme vous en avez fait à ceux qui sont morts, et à moi. L'Éternel vous fasse trouver du repos à chacune dans la maison de son mari. » Et elle les baisa, mais elles élevèrent leur voix, et pleurèrent, et lui dirent, « Mais plutôt nous retournerons avec toi vers ton peuple. » Et Naomi répondit, « Retournez-vous-en, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore des fils en mon ventre, afin que vous les ayez pour mari? Retournez-vous-en, mes filles, allez-vous-en, car je suis trop âgée pour être remariée, et, quand je dirai que j'en aurai quelque espérance, quand même dès cette nuit je serai avec un mari, et quand même j'aurai enfanté des fils, les attendriez-vous jusqu'à ce qu'ils fussent grands? Différeriez-vous pour eux d'être remariés? Non, mes filles, certes je suis dans une plus grande amertume que vous, parce que la main de l'Éternel s'est déployée contre moi. » Alors elles élevèrent leur voix, et pleurèrent encore, et Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Et Naomi lui dit, « Voici, ta belle-sœur s'en est retournée à son peuple et à ses dieux, retourne-t'en après ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit, « Ne me prie point de te laisser, pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Ainsi me fasse l'Éternel, et ainsi ajoute, qu'il n'y aura que la mort qui me sépare de toi. » Naomi, donc, voyant qu'elle était résolue d'aller avec elle, cessa de lui en parler. Et elles marchèrent toutes deux jusqu'à ce qu'elles vinrent à Bethléem, et, comme elles furent entrées dans Bethléem, toute la ville se mit à parler sur son sujet, et les femmes dirent, « N'est-ce pas ici Naomi ? » Et elle leur répondit, « Ne m'appelez point Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je m'en allais pleine de bien, et l'Éternel me ramène vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, puisque l'Éternel m'a abattu, et que le Tout-Puissant m'a affligé ? » C'est ainsi que s'en retourna Naomi, et avec elle Ruth la Moabite, sa belle-fille, qui était venue du pays de Moab, et elles entrèrent dans Bethléem au commencement de la moisson des orges.